Chapitre 4. Le père Serge vécut encore 7 ans dans son ermitage. D'abord, il recevait beaucoup de choses qu'on lui apportait, du thé, du sucre, du pain blanc, du lait, des vêtements, du bois. Mais plus le temps avançait, plus il vivait sévèrement, se refusant tout superflu. Il arrivait de la sorte à ne plus rien recevoir, sauf, une fois par semaine, du pain noir. Tout ce qu'on lui apportait, il le distribuait aux pauvres qui venaient à lui. Tout son temps, le père Serge le passait dans sa cellule, en prière ou en entretien avec les visiteurs, qui devenaient de plus en plus nombreux. Le père Serge n'allait à l'église que 3 fois par an, et sortait seulement pour chercher l'eau et le bois dont il avait besoin. Après 5 années de cette vie, était arrivé cet événement avec Madame Makovkina, et bientôt tout le monde fut au courant de sa visite, du changement qui s'était opéré en elle et de son entrée au couvent. À dater de ce moment, la gloire du père Serge commença à grandir. Les visiteurs devinrent de plus en plus nombreux. Un moine s'installa près de sa cellule, et l'on fit construire une chapelle et un hospice. La renommée du père Serge, en exagérant comme toujours ses actes, s'étendait de plus en plus. On commençait à venir chez lui de loin, et à lui amener des malades, sur l'affirmation qu'il les guérissait. La première guérison eut lieu pendant la 8e année de sa vie de reclus. C'était celle d'un garçon de 14 ans que la mère avait amené au père Serge, en lui demandant de lui apposer les mains. Jamais l'idée qu'il pouvait guérir un malade ne lui était venue en tête. Il eût considéré une pareille pensée comme un grand péché d'orgueil. Mais la mère qui avait amené son fils le supplia, se jeta à ses pieds en demandant pourquoi il guérissait les autres et ne voulait pas guérir son enfant. Elle le suppliait au nom du Christ. Le père Serge, lui ayant répondu que Dieu seul pouvait guérir, elle lui dit qu'elle lui demandait seulement de poser sa main sur son enfant et de prier. Le père Serge refusa et entra dans sa cellule. Mais le lendemain, on était en automne et les nuits étaient déjà froides, en sortant de sa cellule pour chercher de l'eau, il vit de nouveau la même femme avec son fils, un pâle garçon de 14 ans, et entendit les mêmes supplications. Le père Serge se rappela la parabole du juge injuste. Et bien que jusqu'à présent il ne douta pas qu'il devait refuser, il se mit à prier jusqu'à ce qu'en son âme la décision prît corps. Cette décision fut qu'il devait accéder à la prière de la femme, que sa foi pouvait sauver son fils, et que lui, père Serge, n'était en ce cas que l'instrument choisi par Dieu. Et s'avançant vers la mère, le père Serge exauça son désir, il posa la main sur la tête de l'enfant et se mit à prier. La mère partit avec son fils et 1 mois plus tard, l'enfant était guéri. Alors le bruit du pouvoir guérisseur du Saint-Serge, comme on l'appelait maintenant, se répandit alentour. Dès lors, il ne se passa pas de semaine sans que des malades vinssent trouver le père Serge. Et n'ayant pas refusé aux uns, il n'avait pas le courage de refuser aux autres. Il apposait la main et priait. Plusieurs étaient guéris, et la gloire du père Serge se répandait de plus en plus. Ainsi s'écoulèrent 7 années dans le couvent et 13 dans l'isolement. Le père Serge avait l'apparence d'un vieillard. Sa barbe était longue et blanche, mais ses cheveux, bien que rares, étaient encore noirs et bouclés.